sais pas pourquoi tu m'as fâché. J'ai pas de thank you. Thank you. Thank you. Since I've been on your ways, I'm sorry I'll stop right here, right now. Not in G minor. Do minor? What? voilà. Un pour tout. pas de destin, pas de chemin. On en parle quand ça brûle. Avoir un rapport à mon frère, à mon voisin, c'est toi. We'll be right back. Maintenant, mais franchement, t'as un ami de la musique en fait. Et tu vois qu'on donne. Me vuelve Wearing the crown.